La délégation du ministère canadien des Affaires étrangères, conduite par Sarah Taylor, directrice de l'Asie Nord et de l'Océanie, a visité du 13 au 15 décembre la Corée. Pendant son séjour, la délégation a rendu une visite protocolaire au vice-ministre coréen des Affaires étrangères, Han Song-yeol, et s'est entretenue avec Choi Son-chi, directrice du département de l'Amérique du Nord du ministère coréen des Affaires étrangères, pour ainsi discuter des problèmes d'intérêt commun, comme le développement des relations bilatérales conformément à l'aspiration et à l'exigence des deux peuples, et le problème de Lim Hyun-soo, citoyen canadien. La délégation a visité Lim Hyun-soo, condamné aux travaux forcés à perpétuité pour crime de complot de renversement d'État.